apprécie, Rayerti, ok ok, que de la bête like. Écoute bien, l'effectif. Ce mec m'est lourd avec le poids de la plume, pas d'alter ego. Mais je reste moyen, poids léger avec les Walter. Montre les watts, avoir un extant, c'est plus facile que soulever des artères. À force d'effriter sur la pomme de la main, on se fait des cloques. On baisse tous les poulets pour rastonner catégorie et coque. Je parle pas de bête, mais de canot de match, et je te parle de code. On fait vesti la garde pour sortir des gens, pour le code. Audition, l'impression que c'est louche. Je pique comme un assou, une abeille, la merde me colle. Trois mouches, ça pue la milouse. Un peu comme Milouz, comme juste Miguel, par un Milou. Rejoins pendant la mi-temps, tant qu'on est dans les temps, mais tout à jouer avec les cordes vocales ironiques si je m'étouffe. Je pas comme un papillon, mais comme un profil éphémère, comme une pute. Je tu écris mes lyrics plutôt. C'est tendu, tu tires pour tendu. Tasse, mais la merde, récolte d'herbe, on t'a tendu ou tendu. Un piège auquel tu t'es pas attendu. Fallait rester réactif, inattendu. Tu veux, écris-toi comme une étoile filante. Et peut-être qu'à la fin, on exaucera ton vœu. Mais comment bien dormir? Comment bien dormir quand sur toi, pour les cauchemars, ceux qui t'en veulent. Tu veux un bail? On va te l'amener. Tu veux vodka? On va te la mettre. À force de pister nos couilles, on va finir par te la mettre. Si je trouve un chimiste comme Heisenberg, je lui dis envoie de la mettre. Et le jour où je pars, ma pas, faut que tu l'emmènes à ma mère. My man, incroyable et vrai, mal même. Dans mes rêves, les camions banalisés mal même. Sont d'amour propre pour en donner. D'être un mal-être, du mal à y être. À la chair du bonhomme, un Will Smith a eu mal au yep. À force de galérer, j'ai préféré être malhonnête. Tellement de mal à me confier, tellement de mal à me confier. J'ai du mal à écrire sur mon texte, que du mal en lettres. Tellement que je suis pas confiant, conscient qu'on peut pas tout avoir, un gros conscient pour si peu de conscience. Phénomène de la nature, pourtant je faisais conscience. Depuis petit j'ai appris qu'on se cachait pour pleurer et en silence. Y'a des vaillants, des vêtements, ma vie parodie comme spoof mon vie. Mais rien à voir avec une parodie. Au lieu de viser des grosses sommes pour viser paradis. L'argent c'est comme la vie, ça dure qu'une période J. T'es là, on pense pas à toi, Pedretti. 2012, 2013, 2014, même les PDG. Écoute bien, j'ai pro, un mauvais côté. J'rappe bien, deux facettes, troisième décan. Après ces mots tu diras il gère le môme. Après ces mots tu diras il gère le môme. J'trouve souvent des peines fatales comme bazooka. Sar comme un sar qui s'en tape une salle sur bazooka. Mou en cash, on veut parler en cash. C'est plus marche ou crève mais prends le bus ou roule en gamos. On veut parler en cash, c'est plus marche ou crève mais prends le bus ou roule en gamos. Je veux pas être éboueur, je suis pas là à faire le guignol. Il me faut le salaire d'éboué, que je sois à bloc comme un Dijon. Le soleil après la tempête, après la haine, pas de joie. Je vois un bon bail, je le vole comme quand y'a une bouteille. Je vois comme un joint, je les roule. Je trouve que je raconte ma vie, j'allais pas raconter la tienne et t'explique comment elle se déroule. Des rôles, chacun joue les siens, pas beaucoup dévoile leur intérêt. On prépare la disquette, l'antithèse pour les interros. Gardable, audition, c'est qu'une interro. Le poc demande dépôt, c'est que le début. Tous les chemins mènent au heps, tous les chemins mènent au heps. Pas à Rome, pas pour les mêmes peines, mais à la base pour les mêmes buts. Y'en a, ils ont tourné tellement, ils ont tourné tellement. Leur premier côté de nuit, ils s'en rappellent même plus. Dire que la tolle fait toi un homme, c'est nul. Là, je mets les pieds dans le plat, Hamdoulah, jamais dans une scène. Loin de là-bas, faut que je mène ma vie. Faut que je grossisse en soum soum comme Chimène Badji. Pilon vodka, j'y passe et y'a pas de batterie. 24 heures que j'ai pas dormi, un pilule sera pour charger mes batteries. Niveau est galactique, niveau est galactique. Quand tout le courant passe tactile comme ton galaxie. Et je crains galaxie, j'ai le lion mime mais y'a pas de garantie. Je fais confiance à personne, des fois le garantir. L'alarme à l'œil mais je vais pas la laisser les coups. Basique comme savoir que là ce puits est sous écoute. Que ça pue quand ça distribue les écrous. Nous, on assume, mais c'est la famille qui s'écroule. C'est à ce moment-là que je pense que t'as merdé, c'est chaud. Mais bon, c'est la merde, hein.